Les racines mystiques de Montréal. Si je vous dis que les 2 millions de personnes qui vivent sur l'île de Montréal sont là parce qu'un homme, une nuit, a fait un rêve. Que cet homme faisait partie d'une société secrète et que son plus proche confident était un prêtre conseillé par une voyante. Vous avez sans doute du mal à me croire. Et pourtant, c'est à cet enchaînement de faits improbables que Montréal doit son existence. Pour démêler cette histoire et comprendre pourquoi une ville est née sur une île au beau milieu d'un fleuve agité, il faut remonter il y a 375 ans. En 1642, 3 implantations en Nouvelle-France existent déjà. Tadoussac, Trois-Rivières et bien sûr Québec. La ville de Champlain est le centre névralgique de la colonie. L'implantation est en bonne voie, mais n'est pas encore complètement finalisée. De nombreux défis attendent les pionniers qui luttent contre certaines tribus indiennes, contre les Anglais et contre le froid. Créer une ville aussi loin, à plus de 10 jours de canot de Québec, paraît complètement absurde. Pour comprendre cette décision, on peut se tourner vers l'un des 2 fondateurs de la ville. Avant que l'on attribue le titre à Jeanne Mance, Paul de Chomédée de Maisonneuve était considéré comme l'unique créateur de la métropole. Alors, c'est à ce personnage énigmatique que nous allons nous intéresser en premier pour remonter le fil des événements. Les célébrations du 375e anniversaire de la ville ont justement attiré des spécialistes. Jacques Cousin est l'un d'entre eux. Cet homme a passé son existence à faire vivre la mémoire de Paul de Chomédée. Il faut dire qu'il a toujours baigné dans cette histoire. Il est né à Neuville-sur-Vanne. Ce nom ne vous dit rien? C'est bien normal. C'est un petit village de 400 habitants, situé en France dans le département de l'Aube. C'est ici que le sieur de Maisonneuve a vu le jour. Et Jacques Cousin aussi. Nous avons profité de sa venue à Montréal pour dresser un portrait du mystérieux fondateur. Pour inspirer Jacques, nous avons choisi d'aller sur les lieux mêmes des premiers temps de la création. Direction Pointe-à-Calière. Sur place, nous démarrons la visite par l'obélisque situé derrière le musée. Je demande à Jacques, qui vit à 6000 km d'ici, s'il a ressenti un choc en foulant pour la première fois la terre où Paul de Chomédée a débarqué. Un choc, non. C'est pas un choc, mais j'étais impatient. Impatient de voir l'endroit où mon concitoyen a mis les pieds et surtout a réalisé un travail merveilleux. Se fonder une métropole comme Montréal qu'on voit maintenant, je voulais voir ça. Je voulais voir la réalisation, les premières années de Ville-Marie-Montréal. Il a joué quand même le rôle le plus important. C'est près de cet endroit que le 17 mai 1642, quelques embarcations arrivent de Québec. Évidemment, aucune trace archéologique de cet événement nautique ne subsiste. Le monument se charge de retracer l'événement sur ses flancs. Alors, sur ces plaques figure la liste des 52 premiers colons qui ont débarqué ici le 17 mai 1642. Ils ont débarqué le 17 mai, mais l'acte de fondation, c'est le 18 mai. La première messe du Père Vimon, c'est le 18 mai. Dès la fin de la célébration de cette messe, il faut s'activer et bâtir un fort où se tient aujourd'hui le musée Pointe-à-Calière. J'ai tenu à emmener Jacques sur place. Dans le musée, une nouvelle salle permet de mettre en valeur les fouilles de cette première palissade. Mais avant d'y arriver, il faut traverser le premier cimetière de la colonie. C'est-à-dire qu'il a fallu construire le cimetière avant l'hôpital. C'est peut-être un contresens, mais c'était la réalité des faits. Hein. 15 colons sont enterrés là. Dès les débuts de l'installation, les Iroquois terrorisent la population en lançant des attaques punitives. Les pieux, qui constituent l'enceinte, sont donc un rempart pour se protéger des Indiens. Nous sommes en compagnie de Jacques Cousin, près du premier bâtiment de la ville. D'après les éléments dont on dispose, c'était pas un grand fort. C'était suffisant pour mettre plus de 50 personnes, bien sûr, parce qu'il y a déjà les tribus des Hurons qui sont venus demander l'hospitalité, parce qu'eux-mêmes, ils étaient pourchassés par les Iroquois. Et donc, tout le monde tenait dans ce camp. Alors, peut-être que c'était un petit peu serré, mais on va dire que c'était assez logeable pour une petite colonie qui s'installait. Le premier cimetière, là, vous avez les fortifications, c'est les témoins, on va dire, de la naissance de Montréal. Le fort est un petit endroit où tout le monde est reclus. Il ne fait pas bon s'aventurer trop loin. En fait, Ville-Marie est en terre iroquoise. Les Indiens voient d'un très mauvais œil l'implantation de ce groupe. Mais ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que Paul de Chomédé connaissait cette particularité. Lors de son arrivée au Canada depuis la France, le gouverneur Huot de Montmagny a essayé de le dissuader en lui proposant l'île d'Orléans, qui est juste en face de Québec. La réponse cinglante est restée gravée dans les livres. La colonie de Montréal sera fondée, même si tous les arbres de l'île devaient se changer en autant d'Iroquois. Alors, qui est cet homme que rien ne peut faire vaciller? Paul de Chomédé est un militaire né en 1612 en Champagne. En tant que fils de noble, il doit choisir entre la robe, comprendre l'église, et les armes. Il choisit l'épée. Les traces de sa jeunesse sont pratiquement inexistantes. Jacques Cousin a fouillé partout. On sait qu'à 15 ans, il était en Hollande. Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'il est parti directement? Il n'y a pas de traces à Neuville-sur-Val. On sait qu'il est revenu, il avait 17-18 ans, parce qu'on a sa signature sur un acte de baptême. Comme il était en permission, on prend le fils du Seigneur. Ça fait bien sur l'acte de baptême. Il serait parti combattre en Hollande comme officier pendant son adolescence. Il revient en France pendant ses permissions. À cette époque, c'est la guerre de 30 ans. Les Français et les Espagnols se battent pour affirmer leur influence. C'est un conflit terrible qui ravage l'Europe. Au sein de cette période tumultueuse, les traces laissées par Paul de Chomédé sont assez étonnantes. Très jeune, il a appris à jouer du luth. Et il avait emmené son luth déjà à 15 ans quand il est parti à la guerre de 30 ans en Hollande. Son luth l'accompagnait. Vous savez qu'il avait fait vœu de célibat et de chasteté. Donc, le luth, c'était le soir, sous la tente, c'était sa principale préoccupation. Et il n'a jamais voulu suivre ses compagnons d'armes dans des soirées, on va dire, joyeuses. Comme l'a évoqué Jacques, Paul de Chomédé a fait vœu de chasteté. Cette décision est une pièce maîtresse pour cerner le personnage. Car pourquoi un laïc prend-il un tel engagement? Quel est l'état d'esprit de Paul de Chomédé? Pour le savoir, nous avons interrogé un historien, Stéphane Martel, spécialiste de la religion catholique au XVIIe siècle. Il travaille au musée Marguerite Bourgeois à Montréal. Nous l'avons rencontré dans l'ambiance feutrée de sa bibliothèque. Il nous situe le contexte religieux français de l'époque où les catholiques et les protestants se confrontent. Il faut comprendre qu'au début du 17e siècle, la France entre dans un mouvement de renouveau religieux qu'on appelle la réforme catholique. La France a connu les guerres de religion au 16e siècle, qui a mis à feu et à sang la France. Ça a été un des événements horribles et ça a marqué la population. Avec la montée sur le trône d'Henri IV, c'est le retour d'une certaine forme de paix en France. Bon, c'est sûr que Henri IV est assassiné, il y a quand même des conflits politiques assez importants, mais avec Louis XIII qui monte sur le trône, le cardinal de Richelieu, qui lui s'investit beaucoup dans un mouvement de réforme, donc là, il y a un mouvement de régénération de la foi catholique. Certains acteurs importants de cette réforme sont des laïcs. Ces Français ont été durement marqués par le schisme religieux et les affrontements qui ont suivi. On les appelle dévots, et Paul de Chomédé est l'un d'entre eux. Les dévots, ce sont des gens qui ont tenté d'œuvrer au mouvement de la réforme, justement, qui ont voulu christianiser les gens, qui ont mis leur fortune à profit, leur influence, pour mettre en marche cette réforme catholique. Donc, ce sont des gens convaincus. Ce qu'ils veulent faire, pour reprendre une formule d'un historien, Jean-Pierre Guton, c'est faire le ciel sur la terre. Pour eux, c'est très important de fonder une nouvelle église, une église un peu à l'image de l'église primitive des premiers apôtres. Et pour y arriver, ils doivent évangéliser de nouvelles âmes habitant une terre vierge de religion. Le Canada du 17e ressemble fortement à ce paysage. Montréal, c'est un peu ce projet-là. C'était de faire une société neuve en Nouvelle-France, dans un, excusez-moi l'expression, un no man's land, une société à la fois composée de Français et d'Amérindiens qui vivraient sous le catholicisme, donc dans une harmonie universelle. Donc c'était ça ce projet. On imagine mal pour autant la trajectoire qui a conduit cet officier d'un petit village de France à fonder une ville en Amérique. Jacques Cousin a justement recoupé les réseaux qui ont mis le militaire en contact direct avec les porteurs d'un projet d'implantation. Neuville est à 150 km de Paris. Paul de Chomédé s'y rend souvent et rencontre Charles Lallemand. Ce personnage charnière est un père jésuite qui a pris une part importante dans la fondation de Québec. C'est lui qui accompagnera les derniers instants de Champlain et célébrera sa messe d'enterrement. Chez les jésuites, le journal interne s'appelle « Les Relations ». Le père Lallemand y est abondamment cité. Paul de Chomédé a lu ses lettres. Persuadé qu'il faut accomplir de grandes choses pour échapper à la damnation, il cherche à contacter ce prêtre qui connaît parfaitement la Nouvelle-France. Et, par le plus grand des hasards, ce religieux va le mettre en relation avec une société secrète qui travaille sur un projet particulier avec un certain Jérôme Leroyer de la Dauversière. Le père Lallemand, il a tout de suite dit à... Quand il a eu connaissance du projet de Jérôme Leroyer de la Dauversière, il lui a dit « Je connais un jeune officier en congé de l'armée qui correspondrait à votre dessein. » Jérôme Leroyer de la Dauversière est un membre éminent de cette société secrète. De lui, on connaît peu de choses. Pas étonnant quand on sait qu'il a jeté son journal au feu avant de mourir. Sa vision mystique n'a pourtant pas disparu dans les flammes. Et c'est de cette cabale dont nous parlerons dans le prochain épisode. Les racines mystiques de Montréal.